L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Mon hamster se prénomme Cunilingus, et croyez-le ou non, mais ce gus a tendance à se prendre pour un homme. Je me demande comment il s'y prend, mais il se prend toujours des femmes qui viennent lui chuchoter. Cunilingus, mon amour. Elles s'éprennent de lui. Ça ne les surprend pas. Et il se lève la nuit pour se faire parfumer entre leurs jolis doigts. Est-ce qu'il adore s'épandre à ses barreaux? Voyez trop forcer la dose de parfum pour Cunilingus qui se prend de plus en plus pour un homme. Prénommé Cunilingus, et croyez-le ou non, mais ce gus se prenait vraiment pour un homme. Je détesterai tous tes amis, la vie de femme. Bonsoir à tous mes petits loups, vous êtes bien sur Osmose Radio et ce soir dans l'heure du loup, pour vous accueillir comme à mon habitude c'est Stéphane et ce mardi soir donc à partir de 19h c'est votre playlist Rock and New Wave qui commence. Un instant pour ouvrir cette émission, c'était deux morceaux plus ou moins enchaînés avec Dionysos pour rebondir sur l'émission consacrée à la Grèce qu'on avait fait la semaine dernière. Dionysos, donc le dieu des bacchanales et de la fête, qui est aussi le nom du groupe de Mathias Malzieu et de ses collègues, un groupe de rock français agréable à écouter. Et c'était le titre Cunnilingus, mon amour. Et c'est enchaîné ensuite avec Indochine et le titre Gang Bang. Deux morceaux dont le thème vous laisseront rejoindre un peu le sujet des bacchanales que j'évoquais à l'instant, parce que ce soir c'est une émission pré-Saint-Valentin et la playlist se veut à l'avenant. Alors une émission pré-Saint-Valentin dont vous ne sortirez pas indemne, je préfère vous prévenir tout de suite. Vous en sortirez peut-être un petit peu comme Justine sort des romans du Marquis de Sade, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Moi je vous ai prévenu, je n'accepterai aucune réclamation. Et on va aborder un autre thème, puisqu'après tout, hein, l'amour, on va l'aborder de sa forme spirituelle la plus pure à sa forme charnelle la plus crasse. Et ça recouvre parfois des goûts un petit peu particuliers, des goûts peut-être qui sont les vôtres, des goûts un peu borderline, ou peut-être que vous aimez vous habiller en cuir pour tenir votre conjoint en laisse et avec une cravache lui fouetter les fesses. J'arrête, ça me rend fou. Et tout de suite, eh bien, écoutez, plutôt que d'en parler moi-même, je vais laisser Iggy Pop vous en parler à l'époque de The Stooges avec un titre du début des années 70, I Wanna Be Your Dog. Laisse-moi être ton toutou. Here in my Si les zombies ont des chansons d'amour, ça ressemble sans doute à peu près à ça. À l'instant, c'était les Bananes Métalliques avec le titre « Cher et tendre ». Cher hein, comme charnel, comme la bidoche que dévorent les morts-vivants dans les films d'horreur. Et c'était enchaîné juste avant avec les Stooges et le titre « I Wanna Be Your Dog », Iggy Pop qui nous invitait il y a quelques années déjà à de la zoophilie au sens figuré, mais à des cochoncetés au sens propre, enfin au sens propre si on veut, peut-être au sens sale, c'est vous qui voyez. Et c'était donc ce titre des Stooges à l'époque où donc Iggy chantait et se démenait sur scène et se foutait des fois d'ailleurs, finissait le concert à poil. Vous l'aurez compris, ce soir donc c'est une playlist pré-Saint-Valentin qui parle de choses et d'autres, de stupre, de sujets en S on va dire, hein. Tout ça donc pour dédiaboliser, pour dédramatiser un peu cette fête dont on dit qu'elle est largement commerciale, ce qui est vrai d'ailleurs, mais pour ma part, même si je me sens pas concerné, je trouve ça tellement mignon que j'avais envie quand même d'y consacrer une playlist. Et c'est donc le cas ce mardi soir. Alors, donc on va l'écouter deux titres assez rock'n'roll. On va rester dans le thème parce que l'amour n'est jamais très très loin de la haine. Ça peut même se transformer assez vite. Et on a tous hein, une ex qu'on a vouée aux gémonies, à laquelle on a souhaité les pires horreurs. Et bon, heureusement, hein, en droit français, les tribunaux ne jugent la volonté que quand il y a passage à l'acte. Ben, en l'occurrence, on va passer à un acte délictueux musical avec le groupe d'horreur punk The Misfits et le titre Die, Die, My Darling. Crève mon amour! Yeah. Les Steel Panthers, le groupe ringardissime mais qu'on peut pas s'empêcher d'aimer quand même. C'était à l'instant les Steel Panthers avec le titre Bukkake Tears. C'est enchaîné juste avant avec ce Misfits et le titre Die Die My Darling, crève mon amour. On a tous pensé ça à un moment donné, alors inutile de s'en cacher après tout. J'espère que vous n'êtes pas passé à l'acte, auquel cas vous nous écoutez en prison et je vous souhaite une bonne soirée quand même après tout. The Misfits, le groupe qui a carrément inventé l'horror punk, c'était un extrait de l'album Earth AD qui était sorti en 1983. À l'époque où Glenn Danzig chantait dans le groupe. Donc les Misfits s'est enchaîné juste après avec Steel Panthers, vous disais-je, un groupe lui beaucoup plus récent, un groupe qui s'inspire, qui baigne dans le style glam sleaze des années 80, mais avec 20 ans, 30 ans de retard, quoi. En fait, ces mecs, vous les imaginez un petit peu comme les groupes de rock californien, de glam rock californien des années 80, avec les collants léopards, les cheveux peroxydés, rose fluo, 10 tonnes de rimmel sur chaque œil, enfin, vous imaginez un peu le look, quoi. Et c'est une période qui, au niveau visuel, était assez calamiteuse, mais en même temps, au niveau musical, malgré tous les excès, il y a eu des bonnes choses, les Guns N' Roses notamment, d'autres groupes de cette période-là. Et les Steel Panthers sont vraiment dans cet héritage. C'est un peu des clones. Hein. Et ces mecs-là, en fait, c'est des vieux beaux. Ils sont pas encore botoxés, mais ça va venir, je pense. Et en fait, dans leurs chansons, ça ne parle que de sexe, de cul, de stupre et ce genre de choses. Il a donc Bukkake Tears. Donc le Bukkake, c'est une pratique des films pornographiques. C'est un extrait de l'album All You Can Eat qui était sorti l'année dernière. Et donc, dans les paroles, vous avez pu entendre « There's so much love on your face », etc., etc. Enfin bref, je me dis que vous êtes peut-être à table, donc je vous traduis pas les paroles parce que sinon, ça va pas être très... Vous avez pas trouvé ça très sympathique. Mais je vous laisse un petit peu imaginer de quoi est-ce qu'il est question et le genre de délire dans lequel se calent ces gars-là. Mais en même temps, malgré tout le côté excessif, ringard, etc. de ces types, on peut pas s'empêcher de trouver ça sympa quand même. Voilà, c'est une casserole que je traîne, mais bon, après tout, je voulais vous la partager avec vous, parce qu'il n'y a pas de raison que je sois que le seul à en profiter. On va revenir en France avec un groupe, là encore, qui remet au goût du jour des choses ringardissimes, mais là encore, on peut pas s'empêcher d'aimer ça. En l'occurrence, des chansons synth-pop du début des années 80 de la scène française, avec Élie Jacquenot, avec Lio notamment. Là, au début des années 80, il y a des choses assez sympas, mais qui ont un petit peu mal vieilli à cause des synthés qui étaient utilisés à l'époque. Et notamment, il y avait une chanson de Lio qui s'appelait « Amoureuse solitaire », c'était en 84, je crois, qui était mignonne comme tout. Et un groupe parisien, un groupe... je crois qu'ils existent encore, Cheeky Boom, il y a quelques années, on avait fait une version que je vous propose d'écouter tout de suite, Cheeky Boom, Amoureux solitaire. Nice shoes. Wanna fuck? Mes loulous, quelle bonne idée, car vous avez atteint le 7e ciel cybernétique en vous branchant sur la web radio qui réalise l'association, la symbiose, la synthèse entre ces charmants animateurs et ces délicieux auditeurs. Vous êtes bien sûr Osmose. À la régie, c'est DJ Abel qui effleure tendrement les petits boutons roses de sa console. technique pour vous envoyer des musiques sensuelles. Quant à moi, c'est MC Stéphane qui vous susurre au creux de l'oreille des mots doux toute la nuit pendant une heure. Cette émission pré-Saint-Valentin de l'heure du loulou, et pour vous, et on est encore pendant 20 minutes avec une playlist rock et new wave comme à l'accoutumée. Je me suis dit que j'allais essayer de prendre une voix d'acteur de film porno pour vous faire l'animation ce soir, mais je crois que je n'y arriverai pas malgré ce tapis très sensuel que j'ai piqué à Serge Gainsbourg. Voilà, donc tout ça pour dire, chers amis, que vous êtes bien dans l'heure du loup, vous êtes bien sur Osmose Radio. Ce soir, c'est une émission thématique consacrée à l'amour. En cette émission de pré-Saint-Valentin, et Abel et moi, nous faisons fort de vous lancer une playlist aux petits oignons et à l'avenant pour le thème abordé ce soir. À l'instant, c'était deux morceaux enchaînés. Le dernier, c'était Vive la Fête avec le titre Amour Physique. C'était un EP qu'ils avaient sorti en 2009. Vive la Fête, un groupe New Wave que j'aime bien, qui nous vient de Belgique. Et c'était enchaîné juste avant avec un groupe français, celui-là, plus discret, qui nous vient de Paris, qui s'appelle Cheeky Boom, et qui reprenait un vieux titre de Lio qui s'appelle Amoureux Solitaire. Voilà. On va aller vers des styles un petit peu différents. Enfin, tout ça pour dire qu'on va faire un grand écart musical et qu'on va changer radicalement de style musical en allant lorgner du côté du cabaret avec un projet musical d'un garçon qui s'appelle Janowski, qui s'est accompagné d'un pianiste qui s'appelle Parker et avec lequel ils ont formé un duo qui s'appelle le Cirque des Mirages. Janowski, vous avez peut-être pu avoir l'occasion de le voir en solo lors du dernier festival d'Avignon, car c'est un interprète de talent donc qui s'inscrit dans ce courant musical de chansons françaises, cabaret, etc. Un petit peu à l'ancienne. Et avec Parker et Janowski ensemble, c'est donc le Cirque des Mirages. Et en 2005, ils ont sorti un album qui s'appelait Fumée d'Opium, dans lequel ils abordaient un petit peu avec l'humour macabre qui pouvait exister au temps du Grand Guignol des années 1890 aux années 1940, on va dire, hein, de cette période de la belle époque et des années folles où le cabaret était un lieu de création musicale dont il y a des réminiscences encore aujourd'hui. Hein, quand je vous passe les Dresden Dolls et d'autres groupes de cabaret punk, on sent encore toutes ces influences-là. Et bien là, on va aller vers un projet musical qui s'est vraiment consacré avec Janowski et qui donc nous parle et d'Eros et de Thanatos dans ce titre qu'on va écouter tout de suite, le Cirque des Mirages avec le titre « L'amour à mort ». C'est l'amour qui vous prend du cœur, mais c'est la mort qui prend du corps, qui vous jette en lacet dans sa danse effrénée comme une bête vous dévore. C'est l'amour qui vous donne et qui vous condamne dès le premier rendez-vous quand dans l'autre une étoile vous implore. C'est l'amour qui vous plante au cœur, mais c'est la mort qui chante au corps, qui vous laisse embraser de s'être trop donné dans les draps frêles du remords. Et lorsque l'amour se taille comme un feu de paille, c'est le cœur qui défaille, c'est bien qu'on ne sait plus si c'est l'amour qui meurt ou bien la mort qui tue. C'est l'amour qui vous pente au cœur, c'est la mort qui pente au corps, quand l'autre se lasse de vous s'en est allé chercher ailleurs un autre port. C'est l'amour qui vous larme, vous laisse sans armes, nu comme un oiseau blessé qui tombe reste seul face à la mort. C'est l'amour qui vous rentre au cœur, mais c'est la mort qui chante encore et qui chante à crever bien que tout soit passé comme un long rêve qui vous mord. Et lorsque l'amour se taille comme un feu de paille, c'est le cœur qui défaille, c'est bien qu'on ne sait plus si c'est l'amour qui meurt ou bien la mort qui tue. Car d'un que l'amour vous prend dans ses mirages, que cet autre un beau jour vous effleure au passage d'un rien, comme un cri c'est le corps qui se donne à mort, que tout faillit c'est la mort qui se donne encore, que tout roule vous attire comme au fond d'un verre, si bien qu'on croit chaque fois que c'est la dernière, qu'on se déchéance mais qu'on commence. C'est l'amour qui vous plante au cœur, mais c'est la mort qui chante au corps, qui vous laisse embraser de s'être trop donné dans les draps frêles du remords. Et lorsque l'amour se taille comme un feu de paille, c'est le cœur qui défaille, c'est bien qu'on ne sait plus si c'est l'amour qui meurt ou bien la mort qui tue. Ces mirages, que cet autre un beau jour vous effleure au passage de rien, comme un gris c'est le corps qui se donne à mort, que tout faillit c'est la mort qui se donne encore, que tout roule vous attire comme au fond d'un verre, c'est bien qu'on croit chaque fois que c'est la dernière, qu'on se déchéance mais qu'on recommence. C'est l'amour qui vous prend au cœur, mais c'est l'amour qui pend au corps. Quand l'autre se lasse de vous, s'en est allé chercher ailleurs un autre port. C'est l'amour qui vous larme, vous laisse sans armes, nu comme un oiseau blessé qui tombe reste seul face à la mort. C'est l'amour qui vous rentre au cœur, mais c'est l'amour qui chante encore et qui chante à crever bien que tout soit passé comme un long rêve qui vous mord. Et lorsque l'amour se taille comme un feu de paille, c'est le cœur qui défaille, c'est bien qu'on ne sait plus si c'est l'amour qui meurt ou bien la mort qui tue. Et lorsque l'amour se taille comme un feu de paille, c'est le cœur qui défaille, c'est bien qu'on ne sait plus si c'est l'amour qui meurt ou bien la mort qui tue. Et lorsque l'amour se taille comme un feu de paille, c'est le cœur qui défaille, c'est bien qu'on ne sait plus si c'est l'amour qui meurt ou bien la mort qui tue. Cara mia. En garde, seigneur Sol. Gomez. Querida. Cette nuit, tu avais l'air d'un détraqué. Tu ressemblais à un démon hurlant à la mort. Tu m'as fait si peur. Recommence. Ah là là là là là là là là. Gomez et Morticia, le groupe le plus affreusement romantique du cinéma, je crois. Et à l'instant, donc, c'était un extrait de l'album, le film de Barry Sonnenfeld, l'adaptation qu'il avait fait dans les années 90 avec la délicieuse Angelica Houston dans le rôle de Morticia Adams. Alors, c'était à l'instant un extrait de l'album Fumée d'opium, un petit détour du côté du cabaret avec ce titre, L'amour à mort, donc, quel Eros n'est jamais très loin de Thanatos, hein, mais ça vous le saviez déjà, vous n'avez pas besoin de ce morceau pour que je vous le lise, et pourtant c'est tellement bien mis en musique. On va de nouveau aller vers un style musical un petit peu différent, on va parler des ballades, parce que bon, depuis le début de cette émission, depuis le début de cette playlist, je vois un petit peu la Saint-Valentin et l'amour en règle générale sous un prisme un petit peu cynique, et avec humour, en tout cas j'essaie, et donc j'interprète plutôt le thème du côté du stupre, mais bon... En musique, il y a tous les groupes, hein, que ce soit en métal, que ce soit en pop même, ou en rockabilly, beaucoup de groupes ont une ballade dans leur répertoire, une ballade donc, qui parle d'amour, de façon peut-être un petit peu mièvre, un petit peu cuculapraline, mais souvent c'est vraiment mignon et assez agréable à écouter. Moi j'avais envie quand même d'inclure une de ces ballades dans la playlist ce soir, j'ai choisi un groupe de rockabilly que j'aime bien, qui n'est pas très très connu, qui s'appelle Artful Arts, trois beaux gosses de San Diego, qui donc c'est vraiment des caricatures de chanteurs de rockabilly, hein. Donc il y a le gars avec sa contrebasse gominée, etc. Le chanteur qui joue de la guitare comme un dieu, qui a une chemise qui n'aurait pas dépareillé dans les années 50, etc., etc. Enfin bref, Elvis n'est pas très très loin. Et ces gars-là, donc de façon assez discrète mais efficace, ont quelques jolies chansons à leur actif, notamment celle qu'on va écouter tout de suite, une ballade donc où il est question d'amour, mais sous le prisme romantique de la chose. Je vous propose d'écouter tout de suite Artful Arts avec le titre You Will Always Be. My dreams and I une reprise de The Cure Love Song par un très très mignon duo de d'Auckland en Nouvelle-Zélande. The Brunettes s'est enchaîné juste avant avec Heartful Heart, c'est le titre You Will Always Be. Voilà, que je n'oublie personne. Je ne vous oublie pas vous non plus, mes petits loups. Voilà, c'était ma playlist de la Saint-Valentin que je vous dédicacais à vous tous, que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas encore, mais ça va venir, j'en suis sûr. Je vous fais confiance. Et c'était donc à l'approche de la Saint-Valentin ce soir, une émission consacrée à l'amour, au stupre. Et même si j'abordais le sujet avec nombre de sarcasme et un petit peu de cochonceté, je ne perds pas de vue, hein, comme tout un chacun, que l'amour, c'est comme la mort, ça a toujours le dernier mot. Et donc, malgré tout mon cynisme, je vous tenais quand même à conclure cette playlist ce soir avec une belle chanson d'amour, et donc ce sera avec Patti Smith, un extrait de l'album Easter qui était sorti en 1978, un titre qu'elle avait coécrit avec Bruce Springsteen et qui est sans doute son titre le plus connu, Because the night belongs to lovers, la nuit appartient aux amoureux, je souhaite qu'elle vous appartienne. Mes chers amis, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission consacrée à la Chine et au Vietnam, puisque le nouvel an chinois, lui, arrive bientôt, quelque temps après la Saint-Valentin. Voilà mes chers amis, mes petits loups, je vous souhaite une bonne soirée, je vous donne rendez-vous mardi prochain, et je vous dis à bientôt, bonne nuit. Les chouilles sur votre museau. Take me now, baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Et on remercie qui, un peu. Merci Jackie Michel. Merci Jackie Michel.